Allô les Moons! Le 7 novembre à 20h, on fait notre premier enregistrement devant Pubis. Pouvez-vous craindre devant vous, devant vos yeux, puis ça se passe à la librairie Le Guélion. Rendez-vous sur Facebook pour les détails de l'événement et n'oubliez pas de cliquer Attending, on veut voir vos faces. Allô? Allô? Ça marchera jamais! Bonjour et bienvenue à Deux Fifles le matin, votre podcast coquin, votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Ceci était ma tentative de faire un allô, allô, allô spooky. Vous voyez que ça a très bien fonctionné. Un franc succès! Un franc succès! Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et il me reste deux jours pour me faire un chum avant l'Halloween pour réaliser mon cute couple costume idea qui serait Justin Trudeau et son pipeline. Ah! Meilleur couple costume ever. Moi, c'est Jess PVM, toujours une ordure rose, toujours concierge, toujours bipolaire, toujours sobre. Et cette année, un peu dans la même veine, pour l'Halloween, je me déguise en Justin Trudeau. Mais je vous dis pas quelle nationalité. Cette semaine, Charlie, de quoi on parle? Aujourd'hui, c'est l'Halloween à 2 fifs le matin. Halloween! On vous parle de, où est-ce que ça vient, cette fascination que les queers ont pour l'horreur, le lugubre, le déguisement, le drame. Puis, on revisite des classiques cultes d'Halloween qui sont very, very gay. Yes! Alors, juste avant de vous parler de ça, nous autres, on s'en va chez Tim s'acheter un petit biscuit sourire. On se met un beau petit costume. Ben oui. On s'en va avec notre citrouille en plastique. On va leur demander de la remplir de café au complet. Et on vous revient dans 20 secondes. Yes! On s'est fait dire qu'on était trop vieux puis trop en avance pour passer l'Halloween, mais guess what? On avait chacun 2 piastres dans nos poches puis on s'est acheté une coupe de café qu'on a vidé dans notre citrouille parce qu'on voulait rester dans l'esprit de l'Halloween quand même. Ça a fait la même crise de job. On est sur le piton comme jamais. Je suis overcaffeiné. Et je suis satisfait. Ça va. Fait que, qu'on se le dise, l'Halloween, t'es la fête préférée des queers? C'est clairement la fête préférée des queers. Bon. C'est clairement la fête préférée des queers. C'est-tu ta fête préférée à toi? Oui. Moi aussi. Oui, je suis pas une grosse fan de l'Halloween. T'es pas une grosse fan de l'Halloween? Disclaimer, là, okay. Je suis pas la spooky queen par excellence, mais non. Oui, l'Halloween, moi, c'est pas mal mon Noël des queers. Ben oui, là. Définitivement. Mais veux-tu bien me dire? Je vais te dire ça. Tu vas te dire ça. Je vais te le dire. Si tu veux me le dire, d'où est-ce que ça vient, ça, que les queers trippent tellement sur la spookiness, justement, là, l'étrange, le lugubre, le dark? Pourquoi qu'on trippe là-dessus? OK, ben, moi, je pense que... et les queers sont facilement capables de s'identifier à des figures d'outsiders, en fait. Fait que, tu sais, mettons, les sorcières, c'est genre des figures féminines ingouvernables qui ont pouvoirs, qui sont indépendantes. Sinon, tu sais, les loups-garous, ils cachent un secret qu'à la pleine lune, ils se transforment. Tu sais, comme des espèces de mythes comme ça qui, où, ben, tu sais, le moment que tu réfères à un pouvoir ou à un truc surnaturel, tu peux le ramener à l'homosexualité vraiment facilement, tu sais. Oui, parce que je pense que même queer en anglais, ça veut comme dire étrange. Oui, c'est ça, je veux dire, rendu là, lien direct, là. C'est assez facile. Moi, personnellement, parce que tu sais, on en a parlé un peu la semaine passée avec les paniques morales puis toutes ces affaires-là. Les queers, c'est beaucoup associé à une idée de danger. Mmh, oh, bitch! Hein? Ça, c'est un bon filon! C'est vraiment tu beaucoup... Fais ben ça. Je fais des liens avec les émissions d'avant. Moi, je suis préparé. Hey, on est rendu méta, la gang. C'est effrayant. Avant, nos références, c'était des memes. À cette heure, c'est nos anciens épisodes. Ah! Ça ne va que de mieux en mieux. Fait que c'est ça. Je pense que les queers sont... associer une idée de danger. Bon, oui, le danger auquel nous faisons face en tant que queer. Bon, ça, oui, on est habitué, on en a parlé, puis on en parlera toujours. Oui, mais un danger de pervertir la norme hétérosexuelle. Mais c'est ça, nous sommes aussi dangereux et dangereuses. Oui, oui, oui, oui, oui. Et c'est ça qui est assez intéressant, puis je pense que, justement, dans le gore, parce qu'il y a beaucoup de gore, là, on a dit lugubre et dark, mais il y a beaucoup de sang. Ah oui, oui, ah oui, oui. Puis je pense que c'est justement ça, c'est qu'on s'assume et qu'on s'empower dans cette idée d'être très dangereux. Ouais, pis c'est aussi comme le pouvoir de comme subvertir, de genre de faire peur, oui. De crainte, tu sais, parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est vrai que on est, tu sais, comme back in the days, les sorcières, comme c'était vraiment, tu sais, comme ils les tuaient, là, tu pouvais être une femme qui avait un jardin, puis c'était assez pour être accusé de sorcellerie parce que t'étais trop indépendante. Oui, oui, ça a été l'outil de la misogynie numéro un pendant je sais pas combien de siècles. C'est ça, tu sais. Au bûcher. Mais c'est ça, tu sais, c'est d'ailleurs, aussi paraît que Jeanne d'Arc a été la première femme au foyer. Ouais. Oh my god! Ok, à peu près un temps, j'étais juste comme de quoi? Hein? Oh my god, bitch, shut the hell up! I can't. C'est une blague d'Halloween. Mon dieu, je vais chercher un autre co-host si jamais. Fait que. Mais il y a aussi le truc de comme. Ben, après les sorcières, c'était qui? C'était les tapettes, en fait, qui étaient aussi comme associées à la sorcellerie, à des trucs divergents, à comme trop d'indépendance du système. Oui. Puis ça, c'est de là que ça vient l'expression faggot, c'est qu'ils étaient brûlés comme sur. Les braises après, il y avait même pas droit à comme c'est un. C'est vrai? C'est deg, hein? Comme les fagots, ça existe en français aussi comme mot, je pense. Ouais. Ah, ouais. C'est de là que ça vient, les fagots, faguettes, c'est violent as fuck, là. My god, ouais. Ouais, non, c'est intense, là. Je vais me coucher mon niaiseuse à soir, il y en a beaucoup pour dire, ça fera pas de tort. Mais il y a aussi le fait que je pense que ce truc d'attrait vers le surnaturel puis la sorcellerie des affaires de même, il y a aussi le fait que ben, les grandes religions. Généralement, sont pas très inclusives. C'est vrai. Des queers. Fait qu'on a tendance à aller vers des religions païennes. Oui, c'est ça. Sorcellerie, t'sais. Astrologie, on en a déjà parlé. Mais la sorcellerie aussi, c'est que c'est super flexible. C'est oui. Des rituels, mais en même temps, tu les fais où tu veux, quand tu veux. C'est pas très codé. C'est vraiment très. Ça te laisse beaucoup de liberté. Oui, oui, oui. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les milieux féministes des queers, là, les sorcières. Oui, les c'est witch. Ça. Oui, oui. Ben, c'est une figure super ça intéressante. Ça a été repris reprise, énormément. Oui, oui, oui. Parce que ça a été aussi utilisé contre nous autres. Parce qu'ils ben nous oui. Appelaient des sorcières alors que, ben, on était juste. Indépendant, on vivait nos vies, puis comme on avait trouvé du confort dans autre chose. T'sais. Absolument. Puis, mettons, là. Mettons. Mettons, on reste dans la veine de comme spookiness, queerness. On jase. On jase. Pourquoi tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de queer kids qui adoptent des esthétiques goth, autrefois emo, vers les années 2000-2010? Oui. Puis, tu sais, il y a eu les beatniks dans les années 50, il y a eu les grunge dans les années 90. Mm. C'est beaucoup moins queer, ces mouvements-là. Oui, quoi? C'est ça. Je sais pas. I mean, à la base, ça devait être queer. Les straight oui. Prennent toutes nos Oui, c'est probablement ça qui est arrivé. Fait que je pense que toutes les époques modernes ont eu leur marginalisé dark. Lugubre ou genre un peu nihiliste ou gore. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui revient à chaque époque. Et je pense que la marginalité. En tout cas, comment je dirais ça? Je pense que quand t'es marginal, tu ressens d'entrée de jeu c'est quoi qui marche pas dans le système. Ouf. Parce que tu le vis directement en tant que personne marginalisée. Puis je pense que c'est pour ça qu'on finit par se développer une esthétique. Visuellement marginale. Mmh. Que ça paraisse. Toutefois, j'ai remarqué, j'ai vu un meme cette semaine qui disait « T'as-tu déjà vu une personne gothique de couleur? » Puis, je pense que c'est des mouvements qui sont assez blancs. Mais ça, en même Imo, temps, il y a des gens qui subvertissent ça aussi. C'était des festivals aux États-Unis de genre... Ben punk avec ou que c'est juste des personnes de couleur puis que c'est ça qui met de l'avant puis qui sont comme punk is not white puis tu sais comme il y a des résistances à travers ça puis c'est vrai que oui. Étant donné que ça a percé dans le mainstream aussi ces trucs là mais ça a été whitewashed tu sais ah oui ok ça serait c'est ça moi je pense à la base clairement il y a des personnes de couleur aussi dans ces trucs là c'est juste que c'est whitewashed parce qu'à un moment donné ça se mainstream moi j'avoue qu'on l'a présenté comme étant c'est ça tu sais moi ce qui arrive tout le temps moi je trouve que c'est beaucoup un truc pour se reconnaître en fait. Tu sais, comme être emo ou être goth, c'est beaucoup un détournement de style pour être comme je suis différent. Puis si t'investigues un peu plus, oui, tu vas comprendre que also I do gay shit. Ouais. Mais c'est pas une manière de comme come out, tu sais, qui est telle qu'elle. Puis tu sais, moi, quand je pense à c'était qui les goth kids, genre à mon école secondaire, ben tu sais, c'est tous les queer kids en fait. Ouais, je pense que t'as raison. T'sais, moi, en tout cas, pour moi, pour moi, là, ben, le moi, dans mon école, emo ça fonctionne. Oui, c'est ça. N'a pas produit le beaucoup d'hétérosexualité. Emo, voilà. Sacrément. Hey. Au Québec, c'était plus une mode, mais au States, c'était vraiment un mode de vie. Là. Oh être God. Emo, là, je veux dire, ce qui se faisait sur. Comment ça s'appelait la version avant Facebook. MySpace merci. MySpace, là où Jeffree Star a commencé, on s'en rappelle. Yes. Tu sais, ce qui se faisait aux États-Unis, c'était beaucoup plus gore que la petite mode emo cute qu'on avait au Québec. Ouais, oui, ici, c'était juste comme des ados. C'était un mélange de geek. C'était comme des animé, ados avec des coupes. Can I speak to your manager? Gaming. Genre avec beaucoup de maquillage au Carrefour Laval. C'est vrai qu'il y avait la coupe. Hey. C'est vrai qu'il y avait la coupe I want to speak to your manager. Oui. Là, maintenant, quand tu regardes ça, là, fashion-wise, là, c'est vraiment bizarre. Là. Mon Dieu, il y a de quoi investiguer là-dessus. It's all coming back to us now. Ouais, je te dis dans trois mais ans. Mais je suis vraiment d'accord avec cette façon de se reconnaître parce que je veux dire, être queer, c'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. Ouais. Contrairement à d'autres oppressions qui sont clairement visibles, ça, non. Ou tu peux le visibiliser puis l'être aussi, mais c'est pas nécessairement ou en tout cas, tu sais. Wow. Y aurait-tu des produits culturels queer qui seraient influencés par ces sous-cultures-là, plus comme goth, gore, lugubre, spooky, auxquels on pourrait penser vite de même? Ben là, vite de même! Vite de même! C'est l'éléphant au milieu de la pièce, Dracula. Ouais, Dracula. Compétition, un peu dans le style RuPaul's Drag Race, mais beaucoup plus gore, avec des challenges qui font beaucoup plus penser à Fear Factor. Calice! Ouais, c'est vraiment intense. Tu sais, je suis comme, voyons, là, ces drag queens-là, ils veulent juste comme plus de Instafame, là. Ils veulent pas nécessairement manger des coquerelles, calices, là. Non, en tout cas. They know what they're signing up for, là. Ils savent dans quoi qu'ils s'embarquent, ça, c'est sûr. Le problème que j'ai un peu avec Dracula, parce que je lisais un article, pis tu sais, les Bullet Brothers, ils sont rough avec le monde de la drag. Y a un des boulets à un moment donné qui disait, c'est drôle de le dire en français, un des boulets. Les boulets! Il y a un des Bullet Brothers à un moment donné qui disait dans une entrevue, je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais n'importe qui peut faire des lip sync. Ça prend pas de talent pour faire ça. Girl. Là, c'est ça. Girl. On m'a un peu perdu. Là, j'étais comme. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends que d'autres sont dans le gore. Puis je m'excuse, mais si vous regardez Dracula, il y en a des drags qui sont ni dans la boîte RuPaul's Drag Race, qui sont pas non plus dans la boîte Dracula. Il y a un style Dracula, il y a une esthétique Dracula. Ouais, je m'excuse, là. Oui, c'est vraiment queer. Oui, ils ont accepté cette saison-ci. Il y avait une personne affable, il y avait un drag king. Ils sont un petit peu plus ouverts que dans RuPaul's Drag Race, ça, oui, c'est très, très clair. Oui, mais moi, je m'excuse, là, mais Dracula, c'est diffusé sur Amazon Prime. Je trouve pas ça tellement révolutionnaire et marginal. OK. C'est bien plate, là, mais il y a une pièce à faire avec ça, c'est sûr. Il y a une pièce, tu penses? J'ai l'impression. OK. J'ai l'impression. Oui, ouais, non, clairement. Clairement, non, non, clairement. Tout le monde n'est pas comme nous autres. Nous autres, on s'est fatigués, mais ce choc nous donne pas une crise de sang pour faire ça. Mama Choc, pay us! Payez-nous! Mais... Sinon, il y a aussi Sharon Needles qui a gagné la saison 4 de Drag Race. Ou comme, tu sais, je pense que... tu sais, oui, elle a gagné plein de challenges puis elle était excellente, mais je pense que personne n'avait vu qu'une goth kid pouvait juste arriver puis comme gagner Drag Race. Non. Au moment où comme c'est la saison qui a comme fait boomer Drag Race aussi, où il y a vraiment eu plus de public. T'sais. Oui, définitivement, mais la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce que Sharon Needle pourrait gagner saison 13, 14, 15? Ben, je veux dire, elle struggle en ce moment. Là, non, mais je... si elle avait pas déjà fait Drag Race. Oui. Est-ce qu'on n'est pas maintenant... Quoique, il y a Ivy Oddly qui a gagné récemment, qui est pas spooky, mais qui est très odd, très étrange. Oh my God. Mais moi, en tout cas, my take on Ivy Oddly. Ah oui. Mais tu sais, je pense qu'il y avait besoin d'une gagnante qui était un peu plus intéressante, mais je pense pas qu'elle a gagné la saison à la main. Je pense qu'il y avait besoin de la faire gagner. Mais en tout cas, whatever. En tout cas, ça, c'est vraiment... Slide in my DM, puis genre, drag me in the mud, I don't care. I said what I said. He said what he said. Fait que nous autres, on s'en va se commander un petit latte avec du colorant noir dans une tasse noire pour le boire avec des God Girls and Stuff Famous. Puis on vous revient over caféiné. Maintenant, on a pris plein de stories vraiment, vraiment aesthetically pleasing avec des pitounimaux bêtes comme le deux pieds. On est back. On track. Si l'Halloween, c'est le Noël des queers, il faut dire qu'on a aussi notre équivalent, je pense, de ciné-cadeau version queerdo. Ah, c'était beau, ça. Hein? C'était vraiment bien écrit. L'Halloween nous amène un lot de films cultes qui sont soit straight up des films d'horreur, soit des comédies spooky, peu importe le genre, il y en a vraiment qui sont so gay. Yes! Toi, Charlie. Ouais. T'es-tu déjà allé à ces fameuses projections du Rocky Horror Picture Show? Yes, bitch. Ah ouais? Ivan. Je suis content de l'avoir fait une fois. J'avoue que de là à y retourner chaque année, comme le voir une fois, c'est bien. Les gens qui y retournent, c'est vrai que c'est le fun, tu sais. Ouais. Mais I'm a busy mom, là. Faudrait quand même pas que je parie. Je veux dire, j'ai... Mais je suis content d'avoir vécu. Apparemment, Montréal, c'est une des villes où on a la plus grande audience. Une des plus grandes audiences. C'est vrai? Ouais. Parce que, dans le fond... c'est comme une tradition de le projeter genre autour de l'Halloween villes. Oui, c'est comme Jésus de Nazareth à Pâques, là. C'est ça. Puis, mais c'est avec un cinéma, puis t'as des gens qui actent le film devant, genre, puis qui rajoutent des éléments burlesques, puis le public a for real? Oui. Non, c'est pas juste projeter le film, c'est ça l'affaire. Tu t'embarques dans une expérience. Fait que laisse-moi te guider à travers cette expérience. Vraiment particulière. Parce qu'en fait, quand ils ont sorti le film en 75, la sortie en 75 n'a jamais vraiment pogné, en fait. Ah. C'est sorti en même temps que, je pense que c'était Jaws, là, ou un film de même. Là, ah, oui. Que, genre, tu sais, c'était comme le film de l'été, puis ce film-là, ils n'ont jamais su comment le marketer, parce qu'en fait, c'est vraiment très long. C'est weird as fuck. C'est super gay. C'est genre Susan Sarandon, puis comme whoever's the guy, on s'en calme, on regarde Susan Sarandon, qui, genre, sont un couple straight, innocent, qui se perdent, genre, puis ils rentrent dans un manoir en cherchant de l'aide, parce que, genre, leur char... leur phare brise. Puis là, dans ce manoir-là, c'est comme... c'est juste comme weird gay stuff happens. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir le film. Attention, les divulgacheurs. Ah, les divulgacheurs. Ben regarde, elle parle français puis elle est fière. Ça paraît qu'elle fait des chroniques. On dira ce qu'on voudra. Fait que c'est ça. Fait que comment ça a commencé, c'est que t'as un cinéma indépendant à New York qui s'est mis à projeter le Rocky Horror Picture Show à minuit chaque semaine. Mm-hmm. Puis à un moment donné, t'as juste quelqu'un dans l'audience qui a jump in puis qui a commencé à acter devant. Puis les gens ont tellement trippé que la semaine d'après, ils sont venus. Puis il y avait plus de monde qui actait. Puis là, à un moment donné, c'est comme devenu une tradition. Oh my God. Qui venait de ça. C'est juste que là, les gens ont ajouté tellement d'affaires que là, quand t'entends le nom de Janet, tu cries slut. Quand t'entends Brad, tu cries asshole. Puis là, genre, faut que t'amènes du papier de toilette, faut que t'amènes des gants, faut que t'amènes des confettis, faut que t'amènes des chapeaux de fête, faut que t'amènes des affaires, genre, Jesus un journal. Christ. Oui, oui. Faut que tu viennes équipé parce que là, à un moment donné, genre, ils mettent leur journal sur leur tête parce qu'il pleut. Puis là, faut que tu mettes le journal sur ta tête. Genre, c'est de l'investissement. C'est vraiment cool, mais c'est ça. Je l'ai fait une fois, puis je suis comme, ouh, that was something. Mais tout le monde est costumé. C'est pour quelqu'un comme moi qui arrive au party à 8h30 puis qui part à 9h15, là, c'est un peu demandant. Calvaire. Mais c'est quand même vraiment nice comme tradition d'Halloween. Fait que, sinon, le film d'Halloween culte le plus fucking gay, c'est clairement Hocus Pocus. Oui! T'as-tu vu ça, ma grande? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai revu très récemment à des fins de préparation de cet épisode. C'est assez évident. Ben oui. Je l'avais vu avant. J'avais vu quand j'étais jeune, mais j'avais pas un souvenir vraiment. Puis, de toute façon, je vais en parler, mais comme... Quand t'es complètement queer puis assumé, le film change vraiment de ton. Premièrement, très important, deux actrices que je retiens. Il y a Bette Midler là-dedans. Colisse. Okay? Pas du petit calibre. Et il y a Sarah Jessica Parker, qui est la seule qui a pas besoin de porter un nez prostatique. Ah! Alors, elle avait... J'avais pas qu'il y avait Sarah Jessica Parker. Ouais, ouais. Elle joue une des sorcières, puis il y a la troisième sorcière, dont je me rappelle ni le nom dans le film, ni le nom de l'actrice. Alors, great. Je m'excuse. Je vais toujours me poursuivre. Alors, le film, là... C'est important de se mettre en tête, OK? Bon, pour ceux qui l'ont absolument pas vu, c'est trois sorcières qui se font pendre à l'époque de Salem à Salem et qui sont ramenées à la vie 300 ans plus tard dans un monde moderne et qui n'ont qu'une nuit pour sucer la jeunesse de tous les enfants de Salem et pour pouvoir rester en vie. Oh my God, that's great. Voilà, alors... honestly, mood. Comment on dit ça? That's me on a regular Saturday night. Divulgachage alerte, elles ne réussiront pas. Oh... Évidemment, c'est un film américain, mais tout ça est bien sûr centré sur une histoire d'amour entre deux hétérosexuels, entre deux adolescents. Et en tant que tapette, nous, on root, bien entendu, pour les trois sorcières. But that's what I was saying. That's me on a regular Saturday night, là, pour vrai. Là. Puis, c'est la jeunesse de tous les enfants, bitch, I'm here. Et voilà. Et puis, c'est super campy. On joue beaucoup, beaucoup sur un humour noir qui est vraiment, vraiment très drôle. Tu sais, la première phrase que Bette Midler va dire dans le film, c'est « What a glorious morning, it makes me sick ». Ah ouais, ouais. Il joue vraiment beaucoup sur l'humour noir. Ah ouais, ouais, ouais. Je tiens à dire que le film, la partie moderne du film, là, après qu'elle se soit fait prendre à Salem, ça commence dans une école. Puis là, à Salem, tout le monde croit cette légende-là des trois sorcières qui vont revenir. Et c'est enseigné par une enseignante qui porte un chapeau de sorcière. Alors, je tiens à dire que la loi 21 ne s'est pas rendue à Salem. Non, c'est ça l'affaire. Alors, les autres s'en sont sauvés. Ils ont le droit de travailler en sorcière. Hey, toi, t'amènes ton Wicca dans ta classe, hein, c'est-tu la colisse? Fait que non, dans l'ensemble, pourquoi c'est gay? Ben c'est ça, c'est que c'est trois drag queens qui sont sur un ballet tout le long du show. Yes. Et c'est définitivement le film le plus campy que j'ai vu depuis longtemps. Je vous invite vraiment à aller réécouter ça, c'était excellent. Toujours dans la catégorie horreur. Ouais. Là, en 2017, jeunes faggots que nous sommes, on a été pris par surprise. L'Internet est viré fou après qu'un post Tumblr disant que Babadook était gay est devenu viral. Et là, la question, c'est comment Babadook est devenu une icône queer? Okay. Question simple. OK, first of all, qui est The Babadook? Ouais. D'où ça vient ça? Ouais. C'est un film australien qui date de 2014. C'est un petit film indépendant qui a été fait, qui est sur Netflix, qui est chill. Puis c'est juste un post-Tumblr. C'est sur Netflix? Oui, c'est sur Netflix. Ah ben, câlisse. Oui, oui, oui. Ça a même été photoshopé. En fait, ils ont fait semblant que c'était une erreur de Netflix. C'était pas une erreur de Netflix, c'était juste pour troller. Ça a été photoshopé dans la catégorie LGBT. Il y avait de Babadook. Les gens étaient comme, Netflix a fait une erreur. J'étais comme, mon Dieu, gang, là, Photoshop, là. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, le Babadook, c'est un monstre qui se nourrit des deuils que tu fais pas, des peines que tu cultives, en fait. Ooh, c'est deep. Okay. Fait que là, tu sais, puis c'est comme une mère que, genre, au moment où elle accouchait, elle s'en allait à l'hôpital avec son chum, qui est quand même vraiment hot. Puis là, ils ont pogné un accident de char, puis là, il est mort, puis elle a pas fait son deuil, puis elle a de la misère à s'attacher à son enfant parce qu'elle ne voit que la mort de son partner, genre, okay. Son enfant. Léger de même. Deep shit. Okay. J'ai checké le film, puis j'étais comme, damn, nothing's gained there. Mais après ça, si tu fais le parallèle entre le Babadook dans le fond, son mantra, c'est « The more you deny me, the stronger I get ». Puis c'est là que tu peux comme interpréter de la queerness là-dedans. Dans le fond, le Babadook, c'est juste comme le queer kid de la famille qui veut juste exister. Puis qui fait peur juste par sa présence, puis qui se fait deny, mais qui get stronger parce qu'il se renforce à force d'être comme denied. C'est vraiment intéressant, tu sais. Puis le post, en fait, qui a enflammé Tumblr, c'est juste quelqu'un qui a écrit « Whenever someone says the Babadook isn't openly gay, it's like, did you even watch the movie? Ah! Puis il y a eu comme 100 000 réponses, puis reposts. Oh my god. Non, non, non, c'est ça. Puis après ça, en 2017, t'avais des gens qui se déguisaient en Babadook. On a-tu un compte Tumblr, nous autres, As de Fif le matin? Moi, depuis qu'il y a plus de porn, je vois plus. Ouais, je sais, même problème. Moi, je suis rendu sur Twitter, plein de porn sur Twitter. C'est carré. Anyway, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Là, on est en 2020. On est en 2019. On est en 2020, bitch. S'il vous plaît. On est en 2019, mais en 2020, on va avoir droit à un petit reboot du classique spooky et saphique de 1996, The Craft. Toi, Charlie, qui est notre experte en cinéma, pour ou contre un reboot de The Craft, puis ton hot take sur la version originale. OK, moi, pour vrai, pour hostie que c'est bon, The Craft. Ah ouais? La version originale est vraiment bonne. OK. 96, OK. They can't fuck it up, though. Genre, je pense que, tu sais, comme ils peuvent pas... Tu sais, c'est sûr que la première version est tellement bonne, il faut qu'ils rendent ça encore meilleur, c'est ça le défi. En même temps, c'est un beau défi, puis c'est intéressant aussi parce que je trouve que Hollywood est beaucoup dans un truc de soit faire des reboots de trucs qui mettent pas nécessairement en valeur un cast féminin, ouais, ou de juste prendre un truc où il y avait un cast masculin puis de mettre des femmes à la place, comme avec Ocean's 8. Fait que ça, c'est vraiment un film qui était dans la trend des années 90 où c'était des films avec des figures féminines fortes, ouais, puis c'est intéressant de reprendre ça, tu sais. Surtout que c'est spooky puis ça fait que as fuck, là. Il y a clairement une tension entre genre Nancy puis l'autre, là. L'autre, que le nom de son personnage, c'est juste l'autre. Puis ça va être cool parce que dans la nouvelle version hollywoodienne aussi, ils ont inclus une actrice trans. Fait que tu sais, comme We Stand, c'est quand même le fun comme cast. Ouais. C'est Zoe Luna qu'on a vu dans Pose. Oui. Puis moi, je pense que le meilleur moment iconique dans The Craft, c'est quand le chauffeur de bus qui les drop quelque part leur dit You girls watch out for the weirdos, puis que Nancy lui répond We are the weirdos. Yes. Comme iconic, feminist, yes, revolutionary. Fait que, en terminant, c'est quoi tes best and worst films de l'Halloween? Je t'écoute. C'est la même réponse pour best and worst. Oh, girl. Oui. C'est pas tant spooky, mais c'est clairement halloweenien. Best film, Harry Potter. The worst, Harry Potter. Mais oui. À cause des fans d'Harry Potter. Oh. Allez-vous en revenir, tabarnak? Oh. Hey, le monde s'achète encore de la merge de Hogwarts, ceci, là. Puis moi, là, je veux dire, écoutez, j'ai lu les livres, j'ai vu les films, j'ai divulgaché la fin du Harry Potter 6, la journée du lancement à Archambault dans le line-up. J'étais là à crier que Dumbledore mourait. Ça, je raconte souvent cette anecdote-là. Je raconte souvent cette anecdote-là pour expliquer aux gens à quel point t'es evil. Genre, quand ils savent pas jusqu'où tu peux aller, là, jusque comme là. Jess a fait ça parce que c'est la version en français qui sortait, oui, puis lui avait déjà lu la version en anglais. Genre, ça, là, pour vrai, ça ne se fait pas. Moi, je pense qu'il faut juste limiter les références d'Harry Potter, parce que, tu sais, à un moment donné, ça peut devenir comme... Ben non, si... Mais une bonne... T'as moi, le monde pour... qui sont comme... Moi, je crois pas en ça, l'astrologie, puis après ça, tu leur dis que tu dois être un Gryffondor. Ils sont comme, non, moi, je suis Serpentard, ils me l'ont dit sur Pottermore. Mais moi, j'apprécie une bonne référence à Harry Potter, tu sais. Okay. Pour vrai, quand les gens sont comme « Can you take a fist? » Je suis comme « Pour vrai, c'est mon rectum, c'est pas la sacoche à Hermione, tu sais. » Je trouve que il y a quand même des bonnes références à faire avec Harry Potter, tu sais. C'est cute. Fait que... moi, ton meilleur? Moi, mon meilleur, pour vrai, c'est Death Becomes Her. Ah, un autre grand classique. Super campy. Oui. Avec Meryl Streep. Il y a Meryl Streep, ça veut juste dire bon. Je veux dire. Puis c'est juste incroyable. C'est genre deux rivales qui boivent une potion magique qui leur promet la jeunesse éternelle, mais en même temps, ils ont comme des side effects de ils peuvent pas mourir, mais leur corps meurt. Ah. Ils deviennent des walking, genre, cadavres. C'est vraiment bon. C'est so fucking gay. C'est campy as fuck. Genre, rajoutez ça à votre bucket list. On vous en a fait une pas pire, mais pour vrai, ça vaut la peine. Prenez nos recommandations. Puis, worst, c'est tout le style de filmographie de Tim Burton. Ah oui. Je suis pas capable. C'est, tu sais, comme je comprends l'esthétique, là, mais à un moment donné, comme il y en a plein qui sont boring. Je comprends que Edward Scissorhands, ok, pour petit, il y a des ciseaux à la place des doigts, mais comme. Ils sont Johnny Depp, là, overrated. Here first. Voilà. Alors, nous autres, on s'en va jeter un sort au monsieur du Olympico pour qu'il nous fasse un cortado dans une tasse et non pas dans une petite crise de verre en vitre. Puis on vous revient encore plus caféiné qu'avant. Et que c'était meilleur dans une tasse. Maudits Italiens qui ont rien compris. Fait que là, sur une note plus personnelle. Là, oui. Ouais, oui, donc, oui. Toi, c'est quoi que tu trouves le plus euphorisant avec l'Halloween, le Noël des queers? My God. Comme je l'ai dit au début de l'émission, je suis pas la spooky queen. Je suis pas la plus grande fan d'Halloween, mm-hmm. C'est sûr. Toutefois. En fait, non, pas toutefois. En plus, faut savoir que tous mes amis sont des spooky queens, fans d'Halloween. Fait que chaque party est un party costumé. Oui. C'est d'ailleurs le cas chez vous. Oui, aussi. Oui, nous autres, oui. Ce qui est pas grave, je veux dire, j'adore les parties thématiques, c'est juste que je respecte pas les thèmes, oui. La plupart du temps. Oui. Ce qui me rend par contre très, très, très euphorique, c'est que c'est souvent le party de l'année. Je m'excuse, là, mais le party d'Halloween, le monde est motivé. C'est vrai. Avec raison. Les gens souvent, sont craqués. C'est ça, souvent les gens ils ont mis du temps dans leur costume, oui. Ils sont contents de show up, yes. Ils sont contents de voir les autres personnes qui sont dans leur costume. Oui. C'est très frénétique ces soirées-là où on se regarde. Nanana, oui. Nanana. Et pour une raison que j'ignore, c'est tout à ces parties-là que je ramène quelqu'un. Ooh. Alors Louis. Alors, si t'as vraiment le temps de dire, ça doit être parce que t'es déguisé. Mais... Ah, mais moi, j'attends juste de voir si c'est une prophétie autoréalisatrice. Tu nous diras ça au prochain épisode. Oh, on le passe. À suivre. Toi, qu'est-ce qui t'excite dans l'Halloween? The wit, the drama, the references! Non, mais comme, juste le fait de se costumer, tu sais, je pense que, genre, c'est vraiment hot pour nous, les queers, de comme, tu sais, étant donné que on je pense qu'il y a plus, on est plus permissif sur la théâtralité puis sur comme viré folle, tu sais. Puis je pense que l'Halloween c'est juste comme le terrain de jeu parfait pour ça. J'avoue que les queers sont dans leur personnage, ils sont capables d'aller chercher oui, ça. Oui, puis ils commettent. Pas que les straights sont pas capables, mais ça a l'air plus facile de notre bord. Non, mais en même temps, c'est, je sais pas. Moi, t'as-tu déjà vu des gars straight qui se déguisent en filles pour l'Halloween? Malheureusement, oui, c'est toujours épouvantablement transport. Puis sérieusement, comme this is not drag, genre, tu sais, give me a reference, tu sais, comme tu peux le faire bien puis explorer avec le genre, mais tu sais, comme give me a reference, give me something more. C'est tu sais, pas comme put a wig puis une robe puis tu fais juste comme ouais, ouais, le party city wig, puis être genre un peu trop sexu trash, tu sais, je suis comme c'est ok, mais tu sais I will not praise you for that, mais en même temps je veux laisser l'espace d'expérimenter avec le genre, oui. Mais tu sais en même temps t'as plein de femmes trans qui sont comme fucking terrorisées par l'Halloween parce que c'est ben, ils savent qu'ils vont se faire prendre pour des jeunes, ils vont des se faire dégenrer puis oh, ça doit être l'enfer trash, ça doit être l'enfer, fait que genre c'est ça, tu sais, puis je prononce un truc de comme oh my god vous pouvez pas, tu sais comme à un moment donné là c'était il y avait du monde qui disait comme you can't dress, genre tu peux pas jouer avec le genre, c'est pas ton genre, parce que là t'es comme mais non, l'Halloween aussi c'est fait pour comme expérimenter, oui, oui. Avec ça, c'est un terrain de jeu là, oui, ça va, là. Oui. C'est pas fucked up de se déguiser en un genre qui est pas le tien, c'est juste qu'il y a des manières de le faire puis de penser que tu peux juste comme mettre n'importe quelle robe puis juste une perruque puis être comme eh, t'es une fille, t'es comme non, mais how about mettre de l'effort pour vrai puis commit to it, commit genre, to it, mais non, mais je pense que c'est ça le mot clé, commit to it, c'est ça, en tout cas c'était je l'ai dit, c'est dit. Puis mettons là on vient de parler d'affaires qui ont pas l'allure, là, mais ce serait quoi, toi, ta recette pour un costume des plus outstanding, puis ta recette pour un costume inversement outstanding, c'est-à-dire pour les mauvaises raisons? Mon Dieu. En contexte de party queer, oui. Être presque nu, ce n'est pas original. Donc, ça ne fait pas partie de la recette. Non, c'était comme be hot, mais tu sais, du genre... Encore une fois, commit to it. Trouve-moi, oui, une twist à ça. Oui. Et je me rappelle, à un moment donné, c'était une de tes colocs qui avait son fameux cat suit. Puis bon, c'était pas l'Halloween, mais c'était un déguisement. Ouais. Asti que c'était fierce, mais c'était sexy, mais c'était fierce. Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose. Oui, si oui, t'as oui, juste oui. un G-string, je m'excuse, mais surtout en contexte queer, on a souvent tendance à penser que la nudité, c'est osé. Si on est en famille, pas tant que ça. Si t'as juste envie d'être tout nu, t'es tout nu, là. Ouais, en aucun cas, je critique ça. Non, mais ça. Trouve la bonne excuse pour être tout nu, je comprends. C'est-à-dire que si c'est juste t'sais, comme... Souvent, si j'ai mis des fishnets et un G-string, I'm so slutty, oh my God, c'est Halloween, je suis so queer. En même temps, comme, if it floats your boat, mais en même temps, oui. Comme, essaie pas de me faire croire que genre, you turned up, you showed up, non, comme, c'est facile. Là, c'est ça, exactement. On vient de le dire, je pense que l'élément gagnant, c'est commit to it. Oui. Arrive-moi pas juste avec une apparence, arrive-moi avec des quotes, une petite joke, n'importe quoi. Des accessoires. Des accessoires. C'est juste un full look. Trois aussi. Numéros sur trois tunes différentes, deux changements de costume, puis éventuellement des verres de contact pour make-up de feu. Oui, oui. J'en demande oui. pas tant que ça, là. Oui, 4-5 reveals. Ben là, temps, hein. Chris, une fois par année. Toi, ton opinion sur le sujet? Mais moi, je trouve que c'est... C'est pas que moi, ça m'intéresse, j'aime... mais je veux te faire parler. Moi, j'aime les gens qui ont des bonnes références, en fait. Je trouve qu'une référence qui est assez nichée pour que tu sois tout seul à l'avoir, mais qui est en même temps comme « when you get it, c'est fucking bon », moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis... FGG déguisé en Valentin. OK, oui, là, on vient de... Personne va comprendre. Des amis, là, mais personne va comprendre. C'est juste qu'on a un ami qui s'est déguisé en un autre de nos amis, puis pour vrai, moi, tout le monde capotait parce qu'on reconnaissait trop bien cette personne. C'était instantané. À ce jour, ça reste un de nos meilleurs costumes à vie. Tandis qu'en 2016, l'année où toutes les tapettes se sont mis un chapeau de cowboy rose pour être déguisé en Lady Gaga sur le cover de l'album de Joanne, là, c'était plus drôle. Non. Tout le monde l'a fait. Tout le monde faisait la même calice d'affaires. Ah oh, non. Le bandana avec le... Oh non, c'était Joanne. Ouais. Excusez-moi, j'étais dans Born This Way. Oui, mais ça aussi, cette année-là. Ça fait juste plus. Oui, chaque année que Lady Gaga drop un album, on est pogné avec des costumes de Lady Gaga. L'enfer. C'était quoi le costume de son album avec Tony Bennett? On parle pas de ça. I don't know my Gaga enough, sorry. Mais sinon, toi, ce serait quoi parmi les meilleurs costumes, darling, que t'as vu? My God, on parlait de commit tweet. À ma job l'année passée, il y a quelqu'un qui était déguisé en Bob Ross. Tu sais, le peintre qui fait tout le temps des astuces de tableaux de nature à la télé. Oui, il y a des memes, c'est ça. Il y a des beaux gros cheveux frisés. Oui, il y a des memes de Bob Ross. Il s'est déguisé en Bob Ross, mais tu sais, je veux dire, le déguisement est assez simple. Il s'est mis une perruque un peu bien frisée, bien ronde. Après ça, il s'est mis un petit chandail, polo, pis tout. Mais toute la journée, il y avait son astuce de canevas pour peinturer, genre, pis il y avait des quotes à la Bob Ross, genre, pis alors ici, un peu de lumière pour traverser les jours difficiles. Pis là, moi, je l'y mets très mal, là, mais. Ça, c'est bon. Toute la journée, pis c'est la même personne qui animait le pageant qu'on a fait à Job des costumes, parce que Dieu sait qu'à Job, les gens sont. Ah! Pis il y avait ma grande chum Brennan, qui est aussi une drague, qui s'était déguisée en Carrie. La fille qui reçoit un saut de sang là, sur la tête. Raja a fait le même costume en saison 3 de RuPaul's Drag Race. Là. Elle est habillée tout en rouge, puis elle avait un chaudron de sang qui... Ouais, je me souviens du look de Raja, je connais pas la référence. Okay, mais moi, juste parce que c'est une référence, puis qu'il y avait du commitment, I'm all... je suis vendu. Là. C'est un livre de Stephen King, je pense. OK, cute. Je pense. Cute. Toi, meilleur costume que t'as jamais vu? Dans les meilleurs costumes que j'ai vus, moi, l'année où Valentina s'est déguisée en Princess Disasterina, genre en Aja, quand elle avait son look, quand elle a dit comme « You're perfect, you're beautiful ». Oui. J'étais juste comme « Wow, that is great ». Genre, ça, c'est fucking drôle. Genre, j'étais vraiment into it. Sinon, on avait fait un party Mean Girls vs. The Craft chez nous l'an passé. Puis dans le fond, fallait soit s'habiller en plastique, en rose ou en The Craft, fait en écolière goth. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé juste avec un hoodie bleu, genre mis sur sa tête avec des lunettes de soleil, puis qui faisait juste le gars qui fait le gag dans Mean Girls pendant qu'ils font l'espèce d'assemblée où tout le monde vente sur ce qu'ils ont subi de Regina George, puis qui fait juste « She doesn't even go here! » Oh my God! C'est juste une excellente référence! Puis personne comprenait, puis là, quand il expliquait aux gens, les gens étaient juste comme « Ah! » Ça n'a pas de petit bon sens. Puis toi, ton meilleur costume d'Halloween que tu as porté sur toi, sur ton corps. Mais là, encore une fois, it's a tie. OK, je pense que mon meilleur, c'est vraiment... On va s'en nommer deux. C'est vraiment l'année où je me suis déguisé en Ariana Grande, mais que sur moi, c'est devenu Barry-Anna Grande. Oh, tabarnak. Puis que j'avais comme le look dans Side to Side sur genre le vélo stationnaire, genre avec la casquette, la ponytail, genre le top rose. Puis genre, j'étais cute as fuck. On avait fait des cat eyes, genre c'était vraiment vraiment cute. Il y a Vincent Mousseau aussi qui l'appelle Apropriana Grande. Oui. C'est magnifique. Oui. Sinon. C'est un tie, fait que c'est quoi l'autre? C'est un tie. Ça faisait 3 semaines que j'avais été engagé à ma job à Head and Hands. Puis on faisait un party de levée de fonds, Fagly as Friday au Ritz. Ouais. Puis ça faisait 3 semaines que je connaissais mes collègues, puis je suis juste arrivé en pizza. C'est juste que j'avais pas d'eau, puis j'étais en jockstrap, puis j'étais juste une pointe de pizza, mais dégueulasse, genre oily, genre, tu sais, comme le costume était net, là. Puis derrière, j'avais juste les fesses à l'air. T'as toujours les fesses à l'air. Puis they were just like, who the fuck did we hire? Genre, qu'est-ce qu'on a fait? Genre, c'était quand même iconic. Toi, Jess. My God, moi, c'est partie de Noël, de ma job. All right. Des beaux parties à ma job. Right. Le thème, c'était Factory Studio 54. Factory en référence à Andy Warhol. That's some elaborate shit, là, pour quand même. Noël. Je suis tellement down. Studio 54, on s'entend que tout le monde avait un col roulé. That's it. Ben oui. Tous les gars. Toutes les personnes à présentation masculine avaient un col roulé. Que j'avais aussi. Mais je suis arrivé en jumpsuit de Factory. en onesie, genre, avec des grosses lunettes d'aviateur. J'étais commando en dessous, et c'est tout ce que j'ai dit de la soirée, parce qu'il faut savoir qu'à ma job, je fais un travail qui fait en sorte que je connais tout le monde dans le bureau. Concierge, à savoir. Puis, fait que moi, quand j'arrive au party de Noël, là, c'est comme si t'arrivais dans un club de 450 personnes, puis que tout le monde te connaît. Oh, ben, cheap. C'était tellement... Moi, j'y vais juste pour recevoir du love, là, oh! Honnêtement. Là. Puis là, je suis arrivé dans cette truc-là, puis à chaque fois, les gens étaient comme, oh my god, c'est tellement factory, j'y avais pas pensé, nanana. J'étais comme, ouais, puis je suis commando en dessous, moi, comfort... First, comfort first. Yes, girl! Ça a pogné au bout. Alors, nous, on ne fera pas de joke sur les pumpkin spice latte parce que c'est ben trop obvious. Puis on vous revient pour la conclusion. Tu fais toujours des petits bruits de laser. Ben, j'aime ça, les lasers. C'est le fun! Pachou, pachou! Pachou! Alors, c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les médias sociaux qui ont d'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, puis le matin, tout en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez nos podcasts et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas, Mario et Luigi, c'est des frères. Ça peut pas être un cute couple costume idea pour des tapettes. Ah! Retenez ça! Pas Mario et Luigi. Bye, les mounes! Bye!